de mon attention à mon corps tout entier, mon corps comme un tout, mon corps ici et maintenant. Hop, comme chaque partie de mon corps. Inspirez à l'inspiration et expirez à l'expiration. Peut-être puis-je expérimenter un sentiment de complétude et même observer les traits sur mon visage, juste là, en cet instant.